pas si bête, une chronique sur le monde sonore animal. Aujourd'hui, le Typhlobrixian amurocensis. C'est une bête cavernicole qui vit dans les grottes. On la trouve sur les racines qui pendent au plafond des cavernes, elle s'y nourrit de la sève des plantes. Quand on vit depuis des générations et des générations dans des lieux très sombres, voire sans aucune source lumineuse, on a tendance à perdre ses couleurs. Les insectes cavernicoles ont souvent subi des modifications morphologiques conséquentes, décoloration, réduction des ailes, diminution de la taille des yeux, voire parfois leur disparition complète. Le Typhlobrixian amurocensis, que nous nommerons pour des raisons de commodité Typhlo, fait partie de ce type d'insectes. Environ 6 mm, avec des pattes blanches, une tête blanche aux yeux composés, relativement réduits, plutôt rougeâtres, avec des ailes brun fumé, perlées de cire chez les femelles. Le Typhlo vit à Madagascar, au nord-ouest du pays, dans le massif de Namoroka, paysage minéral et tourmenté, composé de cours d'eau essentiellement souterrains et d'un sous-sol parcouru de nombreuses cavités dans lesquelles on peut croiser nos Typhlos. L'affaire n'est pas si simple, car les grottes sont souvent inondées, difficiles d'accès et habitées par les crocodiles. Pour observer des Typhlos, les entomologistes se rendent donc dans le massif en octobre-novembre, en période sèche. Ce qui ne les empêche pas de rester prudents. On a beau être à quatre pattes, absorbé par l'objet de sa recherche, on peut tout à fait tomber nez à nez avec un crocodile. D'autant que pour ne pas effrayer les Typhlos, on évitera d'allumer sa lampe frontale, rendant l'expérience encore plus complexe car on n'y voit quasiment rien dans ces grottes. À dire vrai, ce n'est pas tant le physique du Typhlo qui passionne les entomologistes que sa production sonore, pourtant inaudible à l'oreille humaine. Bien campé sur sa racine, cet insecte se sert de la racine comme un support de communication en la faisant vibrer, en rythme. Comment s'y prend-il? On n'en sait rien, puisqu'il est hors de question d'allumer la lampe frontale. Il arrêterait immédiatement de bouger. On imagine donc soit qu'il tambourine à l'aide de son abdomen, soit qu'il fait trembler l'ensemble de son corps. Toujours est-il qu'en produisant ces vibrations, le son se propage de racine en racine sur une distance de 2,50 m environ, permettant aux autres Typhlos de prendre connaissance du message. Pour l'enregistrer, les entomologistes utilisent une petite aiguille de gramophone qu'ils plantent sur la racine et qu'ils relient à un amplificateur. On ne sait pas encore exactement ce que racontent les Typhlos. Est-ce un appel à l'amour, un signal d'alerte, un chant de rivalité? Ce qui est sûr, c'est que lorsqu'un Typhlo commence à tambouriner, les autres répondent et parlent tous en même temps. Dans le soi-disant silence de la grotte, existe en réalité un brouhaha phénoménal. Pas si bête, une chronique de Céline Duchesnay, avec la complicité d'Adeline Soulier et de la Sonothèque du Muséum National d'Histoire Naturelle. Réalisation, Laurent Polleret.